qu'Allah Jalla wa'ala les aura anéantis à l'aide d'une de ses troupes, à l'aide d'une de ses armées. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Il ne connaît les soldats et les troupes d'Allah que lui-même. Il leur enverra ainsi des vers en naraf qui surgiront sur leur cou et qu'il les feront disparaître et anéantir. Puis nous avions dit que Isa alayhi salawatullahi wa salamu et les musulmans avec lui vivront après Ya'juj wa Ma'juj une vie agréable. Une vie agréable et sereine. On ordonnera au ciel de faire pleuvoir et il pleuvra. Et on ordonnera à la terre de faire pousser et il poussera. Et elle fera pousser ainsi de sa bénédiction et de ses fruits. Les gens vivront alors avec douceur et sérénité. Les gens vivront alors avec tranquillité et sécurité. Naam. Jusqu'à ce que Isa alayhi salawatullahi wa salamu effectue, comme nous l'avions dit, son pèlerinage, puis Allah Jalla wa Ala lui prescrive sa mort, comme il a prescrit la mort à toute créature. Et ainsi Allah Jalla wa Ala prescrira la mort à Isa alayhi salawatullahi wa salamu. Et ensuite nous allons ainsi énoncer, ayyuha al-ikhwatul kiram, lors de ce discours, plusieurs signes de la fin du monde. Plusieurs grands autres signes de la fin du monde, comme ils ont été énoncés par Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Hudayfa ibn Asid al-Ghifari radiyallahu an. Celui-ci nous dit un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous surprit en train de se faire le rappel. Et il nous dit alors, de quoi vous rappelez-vous? Les compagnons lui répondîmes, nous nous rappelons de l'heure, ya Rasulallah. Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam leur dit, celle-ci ne se lèvera pas tant que n'apparaîtront pas 10 signes. Et il énonça alors Ad-Dukhan, Wad-Dajjal, Wad-Dabba, Wad-Tulu'a Shamsi min Maghribiha, ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب ونار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم. Il annonça alors الدخان ma fumée, والدجال l'apparition del Messie الدجال, والدابة la bête, وطلوع الشمس من مغربها et le lever du soleil à l'occident. ونزول عيسى بن مريم et la descente de Isa fils de Maryam, ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف, trois engloutissements, trois tremblements de terre, خسف بالمشرق un en Orient, وخسف بالمغرب un en Occident, وخسف بالجزيرة العرب et un dans la péninsule arabique, ونار تخرج من اليمن et un feu qui sortira du Yémen, وتطرد الناس إلى محشرهم et qui chassera les gens vers leur lieu de rassemblement. Ainsi, Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam nous a ainsi énuméré les grands signes de la fin du monde. Et ainsi, ayyuha al-ikhwa, après la mort de Isa alayhi salawatullahi wa salam, apparaîtra un signe surprenant et se manifestera un signe grandiose et un miracle évident. Allah Jalla wa Ala installera et fera apparaître Ad-Dukhan, la fumée. Un signe parmi les grands signes de la fin du monde, min alamati sa'ati al-kubra. Et ce signe a été évoqué dans le livre sacré d'Allah, al-Qur'an al-Karim. Écoutez ainsi les paroles d'Allah, azza wa jal. Les versets d'Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ces versets du Seigneur des cieux et de la terre. Allah, jalla wa ala, nous dit, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ف ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله جل وعلا نجي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Et attends le jour où le ciel arrivera et apportera une fumée visible. Une fumée visible et explicite. Une fumée apparente et claire et évidente. Tous les gens la percevront. Tous les gens la verront. Tous les gens la remarqueront. Tous les gens l'observeront. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Une fumée visible et apparente. يَغْشَى النَّاسَ. Qui englobera tous les gens, qui cernera tous les gens, qui envahissera tous les gens, qui encerclera tous les gens, Yarshan Nas. Elle encerclera tous les gens, mu'minihim wa kafirihim, croyants comme mécréants. Elle atteindra ainsi au niveau des gens, et elle les encerclera et elle les englobera, quelle que soit leur origine, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur race, quel que soit leur langage, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur classe sociale, elle englobera tous les gens. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ceci sera alors un châtiment douloureux. Tel est ainsi le début de la souffrance de ceux qui auront osé mécroire en Allah Azza wa Jal. Tel est le début de la douleur de ceux qui ont osé se montrer hypocrites envers Allah Jalla wa Ala. Tel est le début de la souffrance et du châtiment, de la punition et de la douleur et du supplice de la part d'Allah Jalla wa Ala. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ce sera un châtiment douloureux. Et personne ne pourra échapper à cette fumée. Et tout le monde sera effrayé par cette fumée. Ils ne pourront ni se cacher, ni se réfugier, ni s'abriter. Ils ne pourront pas s'équiper d'équipements ou d'habits protecteurs. Et ils ne pourront pas fermer de portes ou de fenêtres ou renforcer leur demeure. Là, elle pénétrera et elle s'infiltrera par toute faille et par toute fissure. هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceci sera un châtiment douloureux. Et c'est pourquoi les mécréants ne trouveront qu'une seule chose à faire, d'invoquer Allah. Les mécréants invoqueront Allah Jalla wa Ala. Les mécréants, ceux qui ont mécré en Allah, demanderont à Allah Jalla wa Ala et supplieront Allah. Et invoqueront Allah. Et telle est leur spécialité. Car les mécréants n'invoquent Allah que lorsqu'ils se trouvent dans un moment de désespoir. Que lorsqu'ils se trouvent dans un moment de détresse. Que lorsqu'ils se trouvent dans des moments difficiles. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et alors les mécréants invoqueront Allah. Car Allah Jalla wa Ala nous a informés à leur sujet en disant فَلَمَّا رَكِبُوا الْفُلْكِ فَلَمَّا رَكِبُوا الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils montent sur le bateau, ils invoquent Allah en étant sincères envers lui. Pourquoi? Car lorsqu'ils montent sur le bateau, et ils rencontrent alors des vagues dans les océans et dans les mers, et alors qu'ils sont effrayés, ils invoquent Allah sincères envers lui. فَلَمَّا رَكِبُوا الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ. Lorsqu'Allah les a ramenés sur terre, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ils retournent à leur association. Tels sont le comportement des mécréants. Et ainsi ils invoqueront Allah Jalla wa Ala. Et ils supplieront Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ils diront ainsi, Rabbana kshif anna al-adab. Ô notre Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Protège-nous du châtiment. Rabbana kshif anna al-adab. Inna mu'minun. Car dès à présent nous croyons. Car dès à présent nous sommes revenus. Car dès à présent nous soumettons à toi Jalla wa Ala. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Et alors Allah Jalla wa Ala dit, أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. D'où leur vient cette prise de conscience. C'est maintenant qu'ils se rappellent, c'est maintenant qu'ils reviennent, c'est maintenant qu'ils se soumettent et qu'ils se repentissent à Allah Jalla wa Ala. C'est maintenant qu'ils reviennent à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. Alors que leur est venu un messager explicite, alors que leur est venu un message clair, avec un message clair et évident. C'est maintenant en voyant ce signe évident et ce miracle grandiose qu'ils osent revenir à leur Seigneur. Anna lahum al-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Inna kashifu al-'adhab qalila. Certes, nous dissiperons ce châtiment pour peu de temps. Allah Jalla wa Ala leur dit, Allah Jalla wa Ala dit, Rabbana kshif anna al-'adhab inna mu'minun. Rabbana kshif anna al-'adhab inna mu'minun. Anna lahum al-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit, thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur est venu. Le messager leur est venu explicite et clair. Mais ils s'en détournèrent. Mais ils l'insultèrent. Mais ils le calomnièrent. Mais ils lui déclarèrent la guerre. Mais ils le frappèrent. Na'am. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Et ils l'insultèrent. Et ils dirent, ce n'est qu'un homme qui a été instruit par des gens. Ou bien ce n'est qu'un homme qui est possédé. Quelqu'un d'autre l'a instruit. Quelqu'un d'autre lui a enseigné. Sa science n'est pas venue d'Allah et Azza wa Jal, mais par des gens. Ou bien c'est un homme possédé. Qalu mu'allamun majnun. Et ainsi Allah Jalla wa Ala dit, Inna kashifu al-'adhabi qalilan innakum a'idun. Certes, nous dissiperons cette fumée. Certes, nous dissiperons ce châtiment pour peu de temps. Certes, cette fumée disparaîtra. Certes, cette fumée partira, mais pour peu de temps. Innakum a'idun. Vous retournerez dans ce châtiment, et vous retournerez dans ce supplice, et vous retournerez dans cette douleur, car désormais le châtiment a commencé pour vous, et désormais la punition a commencé pour vous, pour ceux qui avoir osé mécroire en Allah Azza wa Jal, pour avoir osé se montrer hypocrite envers Allah Jalla wa Ala. Inna kashiful adhab qalilan innakum a'idun. Puis Allah Jalla wa Ala leur dit, Yawma nabatishul batashat al-kubra inna muntaqim. Le jour où nous userons de la plus grande des violences, le jour où nous userons de la plus grande des violences avec les mécréants, et le jour où nous userons de la plus grande des violences avec les renégats, et le jour où nous userons de la plus grande des violences avec les hypocrites, inna muntaqimun, ce jour-là nous nous vengerons. Regardez un peu la suprématie du Seigneur des cieux et de la terre. Et écoutez, ayyuhal ikhwatul kiram, ce que nous dit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam en ce qui concerne ce grand signe ad-dukhan. Al-imam ibn Abi Hatim nous rapporte un hadith. Un hadith selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit en ce qui concerne ad-dukhan, cette fumée se déchaînera sur tous les gens. Cette fumée se déchaînera sur tous les gens. Le croyant en éternuera. Quant au mécréant, il en gonflera jusqu'au point où elle sortira de ses oreilles. Naam, cette fumée se déchaînera sur tout le monde. Quant au croyant, il en éternuera. C'est-à-dire qu'il en éternuera comme le changement de sens du vent. Comme lorsque le vent change de direction, il en aura un rhume et il éternuera. Quant au mécréant, il en gonflera jusqu'à un point où la fumée sortira de ses oreilles. Un châtiment et une punition, et une douleur et une souffrance et un supplice de la part d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et dans le recueil de l'imam muslim selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, précipitez-vous d'accomplir les bonnes actions avant que n'arrivent six choses. Précipitez-vous d'accomplir les bonnes actions avant que n'arrivent six choses. Car si une bonne action est effectuée après ces six choses, elle ne sera d'aucune utilité. Puis il dit alors, et il le cita, طُلُوعَ شَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالْمَسِيحَ الدَّجَّالِ وَالدُّخَانِ وَالدَّابَّةِ. Et la mort de l'un d'entre vous et la mort de tout le monde, c'est-à-dire le jour du jugement. Et le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud a une parole spécifique à lui par rapport à Dukhan. Et pour Abdullah ibn Mas'ud, Dukhan, la fumée, est un signe qui a déjà eu lieu. Et ceci lorsque le prophète alayhi salatu wa salam fit une invocation contre les polythéistes de Mecca, afin qu'Allah Jalla wa Ala leur afflige un châtiment de la famine, de la disette et de l'aridité, comme celle au temps de Yusuf alayhi salam. Et ainsi il leur arriva de la famine aux polythéistes de Mecca, de la famine et du mal jusqu'à ce qu'ils mangent que des os et des cadavres. Et l'un d'entre eux observait le ciel, et voyait alors et croyait que c'était un nuage, il aperçut une fumée, et il a cru que c'était un nuage qui allait ramener la pluie. Et ainsi, Ibn Mas'ud radiallahu anhu voit que le signe de la fumée a déjà eu lieu. Mais certes, la parole la plus probable est celle de la majorité des savants, que la fumée ad-dukhan est un signe parmi les grands signes de la fin du monde, min alamati sa'ati al-kubra, comme nous a cité Al-Habib al-Mustafa, alayhi salat wa salam, dans un hadith rapporté par Hudhayfa ibn Asid, al-Ghifari, radiyallahu anhu. Après ad-dukhan, ayyuha al-ikhwatul kiram, arrivera un autre signe qui est, wallahi, surprenant. Un signe incroyable et extraordinaire. Et un signe grandiose et stupéfiant. Min alamati sa'ati al-kubra. Ala wa huwa tulu'u shams min maghribiha. Le lever du soleil à l'Occident. Kayf. Le lever du soleil à l'Occident, alors que chaque jour il s'est levé à l'Orient. Tulu'u shams min maghribiha. Na'am, Allah Jalla wa Ala nous dit, et ce signe est évoqué dans le Coran al-Karim, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا الله جل وعلا ندي كتنتيل أتنتيل que les anges leur viennent. Ou attend-il que leur Seigneur leur vienne? Ou attend-il l'arrivée de certains signes de la part de ton Seigneur? Certes, le jour où certains signes de la part de ton Seigneur arriveront, la foi en Allah ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant, et à aucune âme qui n'aura pas tiré et qui n'aura pas acquis aucun mérite de sa croyance. Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous explique les versets d'Allah, et il nous explique la parole d'Allah jalla wa ala, يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكِ. Lorsque certains signes de la part de ton Seigneur arriveront, il dit هَذَا تُلُوعُ شَمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Il nous dit ceci est le lever du soleil à l'Occident. Et ceci dans un hadith rapporté par l'imam muslim et l'imam al-Bukhari. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit, le jour du jugement n'arrivera pas tant que le soleil ne se sera pas levé à l'Occident. Lorsqu'il se lèvera, tout le monde croira. Lorsqu'il se lèvera, tout le monde croira. Et à ce moment-là, la tanfa nafsan imanuha. Lam takun amanat min qabl. Aw kasabat fi imaniha khayra. Aucune âme, la foi en Allah ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant. Et qui n'aura acquis aucun mérite de sa croyance. Et il a été rapporté. Dans le recueil authentique de l'imam muslim selon Abi Dharr radiallahu anhu ta'ala, le prophète alayhi salat wa salam un jour a dit à ses compagnons, à sahabat radiallahu anhum, savez-vous où se dirige celui-ci, faisant signe vers le soleil, savez-vous où se dirige celui-ci? Fa sahabat radiallahu anhum lui dit, Allahu wa rasuluhu a'lam, seul Allah et son prophète le savent. Regardez le comportement des sahabati radiallahu anhum. Ils ne parlaient pas sur Allah sans aucune science. Dès qu'ils avaient un doute, ou dès qu'il s'agissait d'une chose qu'ils ne savaient pas, ils rapportaient la science à Allah et à son prophète. Allahu wa rasuluhu a'lam. Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam leur demande ainsi, savez-vous où se dirige celui-ci, faisant signe vers le soleil? Il lui répondit alors, Allahu wa rasuluhu a'lam. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'avance jusqu'à sa demeure, sous le trône d'Ar-Rahman, le miséricordieux, où il se prosterne devant Allah, jalla wa ala. En parlant du soleil. Et nous sommes toujours dans le hadith d'Abi Dharr. Puis il nous dit, ce soleil restera ainsi dans cet état, jusqu'à ce qu'on lui dit, reviens par où tu es arrivé, et lève-toi par où tu viens. Et ainsi il repartira et il se lèvera de l'Orient. Comme il le fait chaque jour, comme il le fait à son habitude. Et ainsi Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, personne ne se souciera de son cas, comme il se lève à son habitude. Personne ne se souciera de son cas, jusqu'à ce qu'il arrive à son terme. Et qu'il se prosterne devant Allah et Azza wa Jal, et jusqu'à ce qu'on lui dise, lève-toi de l'endroit où tu t'es couché. Et alors il se lèvera à l'Occident. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wasalam nous dit, à ce moment-là, لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. La foi en Allah ne profitera à ce moment-là à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant. Et à aucune âme qui n'aura acquis aucun profit et aucun mérite de sa croyance. Et ainsi, le soleil, ayyuhal ikhwa, se prosterne devant Allah Jalla wa Ala, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, wa shamsu tajri li mustaqarrillah, dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Le soleil court et s'avance vers sa destination et son terme. Telle est la détermination du Tout-Puissant et de l'Omniscient. Le soleil a une destination chaque jour. Et à chaque fois qu'il se couche, il se prosterne à Allah Jalla wa Ala. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwatul kiram, cette créature impressionnante, cette créature énorme et grandiose, se rabaisse à son Seigneur. Est humiliée devant son Créateur, Jalla wa Ala, se prosterne à Allah al-Aziz al-Jabbar. Le soleil, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah Jalla wa Ala nous dit, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wa shams, wa al-qamar, wa al-nujum, wa al-jibal, wa al-shajar, wa al-dawab, wa kathirun min al-nas. وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosterne tout ce qui est dans les cieux et dans la terre? Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les bestiaux et beaucoup des gens. Mais beaucoup de gens également méritent le châtiment. Et quiconque Allah humilie n'aura personne pour l'honorer. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Le soleil, ayyuhal ikhwa, al-shams, se prosterne à Allah Jalla wa Ala. Et toutes les créatures présentes sur terre se prosternent à Allah Jalla wa Ala. Et unifient Allah Jalla wa Ala. Et glorifient Allah Jalla wa Ala, excepté les mécréants, djinns et humains. Tous glorifient Allah. Yusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal-ard wa man fihi. Célèbre sa gloire et sa louange, les sept cieux, ainsi que la terre et ce qu'il y a dedans. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Il n'y a pas une chose qui ne célèbre pas sa gloire et sa louange. ولكن لا تفقهون تسبيحه. Mais vous ne connaissez pas la façon et la manière avec laquelle il le glorifie. ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن الله كان حليما غفورا. Et certes Allah est indulgent et pardonneur. نعم أيها الإخوة الكرام. Al-Shams, le soleil, se prosterne à Allah et Azza wa Jal. Cette créature impressionnante se prosterne et se rabaisse et s'humilie devant son Seigneur, ainsi que toutes les créatures se trouvant sur terre, excepté les mécréants, djinns et humains. Fawa ajaban kayfa yu'sal ilahu, au kayfa yashhaduhu al-jahidu, walahu fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. C'est étonnant comment on peut désobéir à Allah. Ou comment on peut renier Allah alors que dans toute chose il y a quelque chose qui montre qu'il est unique. Et qu'Allah fasse miséricorde au poète qui nous dit et qui nous a écrit les vers suivants. Salil wahat al-khadra. Salil wahat al-khadra wal ma'a jariya. Salil wahat al-khadra wal ma'a jariya. Wa hadhihi al-sahara wal jibal al-rawasiya. Salil rawda muzdana. سلي الزهر والندى سلي الأصباح والطير والليل شاديا سلي الليل والأصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساليا ولو أن هذا الليل امتد ولو أن هذا الليل امتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فوض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور سم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. Le soleil, ayyuha l'ikhwa tul kiram, se prosterne à Allah Jalla wa Ala. Imaginez-vous cette créature de feu, elle craint Allah Azza wa Jal et elle craint le feu de l'enfer, wa l'ayyadu billah. Et elle se prosterne à son créateur Jalla wa Ala, a ilahum ma Allah. Y a-t-il une divinité avec Allah? Elle se prosterne à Allah Jalla wa Ala alors que beaucoup d'entre nous ne connaissent ni prosternation ni inclinaison. Et alors que beaucoup d'entre nous ne se sont jamais ni prosternés ni inclinés. Et lorsque tu leur dis inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Malheur à ceux qui traitent de mensonges ce jour-là. Après cette parole, à quelle parole ils croiront? Le soleil se prosterne à Allah Jalla wa Ala. Et un jour Allah Jalla wa Ala, Malikul Mulouk, le roi des rois, Tabaraka wa Ta'ala, lui ordonnera de se lever à partir de l'endroit où il se couche. Et il obéira aux ordres d'Allah. Et il se soumettra aux ordres d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Al-Wahid al-Ahad. Et ceci nous prouve. Kama la qudratillahi jalla wa ala. La capacité et le pouvoir absolu d'Allah al-Aziz al-Jabbar. Le soleil se lèvera ainsi à l'Occident. Et les gens verront alors cette scène. Les gens apercevront cela. Et les gens verront cela. Et les gens observeront tous le soleil se lever à l'Occident. Et alors ils verront cela. Ils perdront alors la raison. Leur cœur battra fortement. Leurs regards resteront figés. À ce moment-là, ayyuha l'ikhwa. Et à cette heure-là, et à cet instant-là, tout le monde croira. Ne restera aucun mécréant sur terre. Aucun mécréant ne restera sur terre en premier lieu. Et les croyants, leur foi augmentera. Et leur conviction augmentera. Et leur certitude augmentera en Allah, Jalla wa Ala. Car ils auront vu et ils auront remarqué ceux dont Allah leur a informé dans le Coran al-Karim et ceux dont le prophète alayhi salat wa salam leur a informé. Et ainsi ils augmenteront en foi et en conviction et en certitude. Et les mécréants voudront alors revenir à Allah, Jalla wa Ala. Les mécréants voudront alors revenir vers Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et se soumettre, et ils reviendront, ils pourront se repentir, mais Allah Jalla wa Ala aura fermé les portes du repentir devant leur face. Wal'iyadu billahi Jalla wa Ala. Na'am, car le soleil se sera levé à l'Occident. Et ce jour-là, يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا تَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَا تَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. La foi en Allah ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant et à aucune âme qui n'aura pas tiré profit ou mérite de sa croyance. Le mécréant voudra croire. Le mécréant voudra revenir à Allah. Le mécréant voudra se repentir à Allah. Le mécréant voudra se soumettre et se prosterner à Allah. Mais Allah, Jalla wa Ala, lui empêchera cela. Et Allah lui rejettera sa foi et sa croyance et sa certitude et son repentir. Et il lui fermera les portes du repentir devant sa face. Na'am. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لمسأل الله عليه الصلاة والسلام a dit Allah tend sa main le jour afin que le fauteur de la nuit se repentisse et Allah tend sa main la nuit afin que le fauteur de la journée se repentisse jusqu'à ce que le soleil se lève à l'Occident. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه لمسأل الله عليه الصلاة والسلام dit celui qui se repentit avant que le soleil ne se lève à l'Occident, Allah lui acceptera son repentir. Quant à celui qui croira à ce moment-là, et à cet instant-là, lorsqu'il apercevra le soleil se lever à l'Occident, quant à celui qui voudra revenir à ce moment-là et à cette heure-là, Allah Jalla wa Ala refusera de sa part son repentir, refusera de sa part sa foi, sa conviction, sa certitude de son retour, ainsi que ses regrets qui ne lui seront ni utiles ni efficaces. Alors on appelle certes toute l'humanité entière. Parmi ceux, parmi les croyants qui désobéissent à leur Seigneur et qui ne se repentissent pas, et parmi les mécréants qui ont osé mécroire en Allah et Azza wa Jal, et parmi les hypocrites qui se sont montrés hypocrites envers leur Seigneur Jalla wa Ala, et nous leur disons que celui qui veut se repentir à Allah, et que celui qui désire revenir vers Allah, et que celui qui pense se soumettre à Allah, qu'il le fasse dès maintenant, et wallah, avant que l'on le lui n'empêche, et avant qu'il ne meure, et avant qu'il ne soit trop tard, et avant que le soleil ne se lève à l'Occident. Car à ce moment-là, la tanfa' nafsan imanuha. Car à ce moment-là, aucune âme, la foi en Allah ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant. Et la foi en Allah ne profitera à aucune âme qui n'aura pas acquis un mérite de sa croyance. Ayyuha al-ikhwatul kiram, sachez que la nuit qui précédera le lever du soleil à l'Occident sera une nuit bizarre, étrange, extraordinaire et incroyable. Et on nous a informé cela de la part d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam al-Bayhaqi nous rapporte. Un hadith jugé bon avec différentes chaînes de transmission selon Abdullah ibn Awfa radiallahu anhu. Il nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire, il viendra à vous, il viendra aux gens une nuit équivalente à trois de vos nuits. Il viendra aux gens une nuit équivalente à trois de vos nuits, c'est-à-dire en longueur et en durée. Ne la reconnaîtront que les prières de la nuit, que ceux qui sont habitués à prier la nuit, ceux qui font qiyam al-layl. Ne la reconnaîtront et ne la distingueront des autres nuits que les prières de la nuit. L'homme se réveillera, récitera un hizb de Coran, puis se rendormira, puis se réveillera, puis repriera encore, et il se rendormira, puis se réveillera, et les gens alors s'inquiéteront, et les gens s'effraieront, et les gens auront peur, et les gens se précipiteront et se réfugieront où ? Dans les mosquées, dans les maisons d'Allah et Azzawajal, afin de se renseigner et afin de questionner, car ils seront affreux, effrayés et inquiets de cette nuit longue et extraordinaire. Et à ce moment même, le soleil se lèvera à l'Occident. Le soleil se lèvera à l'Occident et il montera au ciel jusqu'à arriver au milieu du ciel, c'est-à-dire au zénith. Lorsqu'il arrivera au zénith, il reprendra son chemin inverse. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa sallam nous dit, et à ce moment-là, لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. À ce moment-là, la foi en Allah ne sera profitable à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant. Et à aucune âme qui n'aura pas acquis aucun mérite de sa croyance. نعم أيها الإخوة الكرام. Et ainsi, si quelqu'un nous demande, si un croyant désobéissant, en apercevant ce grand signe, et en apercevant le soleil se lever à l'Occident, revient vers son Seigneur, et demande pardon à Allah, Jalla wa ala, est-ce qu'Allah lui accepte son repentir ? Là, Allah n'accepte pas de repentir, ni aux croyants, ni aux mécréants. Et ceci concerne aussi bien les croyants que les mécréants, contestateurs et polythéistes et associateurs. Tel est ce que nous a dit, ce que nous ont dit les gens de science, Ahlul Ilm, rahimahumullah ta'ala. Comme ils nous disent également, excepté la personne qui aura arrêté de faire un péché avant que le soleil ne se lève à l'Occident et qui serait en train de se repentir et en train de regretter avant que le soleil ne se lève à l'Occident. À cette condition, Allah Jalla wa Ala accepte son repentir, car ils ont dit que la parole sur laquelle il s'appuie est la parole d'Allah Azza wa Jal, lam takun amanat min qabl, qui n'aurait pas cru auparavant. Or, s'il s'est repenti auparavant, Allah Jalla wa Ala lui accepte le repentir. Un exemple, si une personne buvait de l'alcool jour et nuit, et aperçoit et voit le soleil se lever à l'Occident, et revient vers son Seigneur et demande pardon à Allah Jalla wa Ala, Allah lui refusera son repentir. Une personne consommait les intérêts bancaires à riba, ou bien était témoin, ou bien écrivait, ou bien aidait à ses transactions usuraires, et aperçoit le soleil se lever à l'Occident et se repent à Allah, Jalla wa Ala, Allah refuse son repentir. Une femme exhibée qui ne veut pas mettre le hijab, qui se parfume et qui montre ses tentations devant les gens, et elle voit le soleil se lever à l'Occident et elle se repent à Allah, Jalla wa Ala, Allah lui accepte le, Allah lui refuse de repentir. Pourquoi ? Car Allah a fermé les portes du repentir le jour où le soleil se lève à l'Occident. Alors, ayyuha al-ikhwatul kiram, nous n'avons qu'un appel à lancer à moi ainsi qu'à vous. Défaites-vous de vos péchés et retournez vers vos seigneurs et retournez vers votre créateur Jalla wa Ala et repentissez-vous à Allah tabaraka wa ta'ala le plus rapidement possible. Wal-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit, le repentir ne sera pas accepté ce jour-là. En parlant du jour où le soleil se lèvera à l'Occident, le repentir ne sera pas accepté ce jour-là. Et il nous dit, Allah n'acceptera pas le repentir de quelqu'un ce jour-là, qu'il soit croyant ou mécréant. Puis il nous dit, car effectuer une bonne action ce jour-là sera comparable à comme si une personne ait effectué une bonne action alors que l'agonie de la mort lui a atteint. Et lui est arrivé. Lorsqu'elle a atteint l'agonie de la mort, elle ne peut plus se repentir. Et ainsi, effectuer une bonne action le jour où le soleil se lève de l'Occident est comparable à cela. Et il cite ainsi la parole d'Allah, Jalla wa Ala, فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله جل وعلا nous dit, lorsqu'ils virent notre rigueur, ils dirent, nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui avons donné comme associé. Mais certes, leur croyance au moment où ils virent cette rigueur ne leur profita en rien. Telle est la règle d'Allah chez ses serviteurs dans le passé, et c'est là que les mécréants se trouveront perdants. Et maintenant, ayyuhal ikhwa, afin que le profit soit complet, et afin que l'on parle bien et que l'on termine nos propos à propos du repentir sincère, nous allons vous nous énoncer les conditions afin qu'Allah jalla wa ala accepte le repentir de son serviteur. Car ce n'est pas toute personne qui se repentit à Allah, Allah lui accepte son repentir. Ainsi, il y a des conditions que les savants ont énoncées. La première, ayyuhal ikhwa, la sincérité envers Allah jalla wa ala. Être sincère, al-ikhlas, envers Allah, le Créateur et le Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Que tu sois sincère dans ton repentir. Et ainsi, ne te repentis pas par tradition, ou en suivant une mode, ou en faisant comme ton ami, ou en faisant comme ta famille ou tes cousins. Là, repentis-toi Allah, jalla wa ala, car tu désires te repentir avec sincérité à ton Seigneur, jalla wa ala. Allah jalla wa ala nous dit, ala lillahi dinul khalis. Certes, c'est à Allah qu'appartient la religion de la sincérité. Et Allah nous dit également, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils nous ont été ordonnés et commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère. Et Allah nous dit également, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Invoquer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, même si les mécréants ne le veulent pas. Ainsi, soyez sincères dans votre repentir. Et telle est la première condition, al-ikhlas, sincère envers Allah, jalla wa ala. La deuxième condition, arrêtez immédiatement de commettre le péché. Arrêtez immédiatement de commettre le péché. La troisième condition, prendre la ferme résolution et la décision de ne plus revenir au péché. La quatrième condition, regrettez ce que vous venez de faire. Regrettez ce que vous avez commis comme péché et comme turpitude. La cinquième condition, se repentir avant la mort, avant que l'agonie de la mort ne vous arrive. La sixième condition, se repentir avant le jour où le soleil se lève à l'Occident. Et enfin, la dernière condition, les savants l'ont rajoutée, lorsque le péché se trouve entre la personne et un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, et que cette personne a pris un de ses droits comme de l'argent ou autre chose, qu'elle rende ce droit à cette personne avant de mourir. Na'am, Allah jalla wa ala nous dit, « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Et repentissez-vous à Allah tous ensemble, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et Allah nous dit également, « Ya ayyuhal ladhina amanu, toubou ila Allahi tawbatan nasuha. » Repentissez-vous à votre Seigneur d'un repentir sincère. Et ainsi, en tenant ces propos, « Ayyuhal ikhwatul kiram, astaghfirullah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، ainsi, lorsque le soleil se lèvera à l'Occident, la porte du repentir se refermera. Et aux gens ainsi à se hâter et à se précipiter de revenir vers leur Seigneur, jalla wa ala. Puis après le lever du soleil à l'Occident, un autre signe fera surface. Min alamat as-sa'ati al-kubra. Parmi les grands signes de la fin du monde, et vous allez être étonnés si certes nous vous rassemblons tous les signes en un discours. Mais certes, les informations authentiques sont rares sur ces grands signes de la fin du monde, et nous ne pouvons pas parler sur des signes comme tels en s'appuyant sur des hadiths faibles ou en s'appuyant sur des récits faibles, et ainsi nous nous appuyons que sur des hadiths authentiques, et ainsi c'est pour cela que nous avons trouvé peu de textes sur ces signes et que nous avons rassemblé ces signes en un seul discours. L'autre signe, ayyuhal ikhwa, qui succédera et qui enchaînera au lever du soleil à l'Occident, est un signe qui en fait sortira le même jour, la même journée. La même journée où le soleil se lèvera à l'Occident. Le jour où le soleil se lèvera à l'Occident, ayyuhal ikhwatul kiram, ce signe fera surface et ce miracle évident apparaîtra et cette preuve se manifestera. Al-Imam Muslim rapporte. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, Il nous dit, j'ai appris du prophète alayhi salat wa salam un hadith que je n'oublierai jamais. Je l'ai entendu dire, le premier signe qui apparaîtra sera le lever du soleil à l'occident, ainsi que la sortie d'Ad-Dab, de la bête, dans la matinée de cette journée. Celui qui viendra avant l'autre sera tout de suite succédé par le second signe. Le second signe, ainsi, ayu al-ikhwa Ad-Dab, la bête. Quand est-ce qu'elle sortira? Dans la matinée du jour où se lèvera le soleil de l'Occident. Qu'est-ce que la bête? Ce qui est connu d'une bête, c'est un animal qui ne parle pas. Et c'est justement pour cela qu'elle est appelée al-bahima, car elle vient du mot mubham, qui signifie propos qui n'est pas compréhensible, propos ambigu. Et ainsi la bête ne parle pas et on ne comprend pas son langage. Voilà ce qui est connu de la bête en général. Mais cette bête-là, ayu al-ikhwatul kiram, ad-dab, cette bête parlera, et c'est un grand signe de la fin du monde, et elle est totalement différente, et elle se distingue de toutes les bêtes. C'est une bête qui parlera, et c'est une bête que les gens écouteront, et elle parlera à chaque personne. Et ceci a été cité dans le Coran et dans la Sunna. Quant à la Sunna, vous avez entendu le hadith. Quant au Coran, la parole d'Allah Jalla wa Ala dans Surat al-Naml. Allah Jalla wa Ala nous dit, « وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ » Lorsque la parole tombera sur eux, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Lorsque la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de la terre une bête, تُكَلِّمُهُمْ, qui leur parlera, تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَتِنَا لَا يُقِنُونَ. Qui leur parlera et qui leur dira que les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes et de nos versets. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ. Lorsque la parole tombera sur eux, c'est-à-dire lorsque la religion sera transgressée, et lorsque les gens auront tourné le dos, et auront délaissé la religion d'Allah et Azza wa Jal, et auront modifié la religion d'Allah Jalla wa Ala, comme nous l'a dit Al-Hafid ibn Kathir, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ. Lorsque la parole tombera sur eux, أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Nous leur ferons sortir de la terre une bête. D'où sortira-t-il? D'où sortira-t-elle? Et quelles seront ses caractéristiques? En vérité, il n'y a pas de texte authentique et clair que l'on peut utiliser, sur lequel nous pouvons nous appuyer afin de répondre à ces questions. C'est une bête. Allah Jalla wa Ala seul connaît ses caractéristiques physiques. Et Allah Jalla wa Ala connaît seul son lieu de vie. Et cette bête sortira et parlera. Sauf que l'imam muslim nous rapporte un hadith selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est un des savants parmi les compagnons, et il dit que cette bête est en fait al-jassas, l'espionne. Qui a été aperçue dans l'île d'Al-Masih Dajjal, celle qu'a aperçue également Tamim al-Ibdali radiallahu anhu. Mais seul Allah Jalla wa Ala connaît la vérité, il y a ainsi une divergence sur cet avis. Et en tout cas, cette bête Ad-Dab sortira et parlera aux gens et témoignera contre eux et elle informera les gens de ce que détiennent les cœurs ainsi que leur cas. Écoute ces hadiths authentiques, ayyuhal ikhwa, al-imam Ahmad rapporte dans son hadith et dans son musnad, authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abu Amamat al-Bahili radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, Ad-Dab, la bête sortira aux gens et les marquera sur leur nez. Ils vivront alors le temps qu'Allah Jalla wa Ala voudra, jusqu'à ce que un homme achète un âne, et on lui dira alors, d'où est-ce que tu as acheté cet âne? Il dira, je l'ai acheté des gens qui sont marqués. Des gens sur lesquels on a marqué sur leur nez. On les reconnaîtra par cette marque. Cette bête sortira, et cette bête marquera les gens sur leur nez. Comment cela? Et par quel instrument? Écoute, l'imam Ahmed rapporte dans son musnad, l'imam Tirmidhi rapporte dans son sunan, l'imam Abu Daoud rapporte également, l'imam Ibn Majah également, un hadith dont la chaîne de transmission est authentique selon Abi Huraira. Et il faut savoir que Sheikh Al-Albani a rendu ce hadith faible, car il y a une personne sur laquelle il y a un doute dans la chaîne de transmission. Mais il y a une divergence sur cette personne, est-ce qu'elle est muhadith ou bien non, mais la parole la plus probable est que cette personne est digne de confiance, car il a été dit cela de la part de l'imam al-Tirmidhi, et également du grand savant Ahmed Shakir, qui a renforcé l'authenticité de ce hadith. Donc, bi-idhnillahi azza wa jal, c'est un hadith authentique. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, la bête sortira aux gens avec elle le bâton de Moussa alayhi salam et le sceau et la bague de Suleyman alayhi salam. Elle marquera alors le nez des mécréants avec sa bague et elle illuminera et elle éclaircira le visage des croyants avec le bâton de Moussa. Jusqu'à ce que les gens puissent distinguer le croyant du mécréant. Et ils diront alors, ô croyant, ô mécréant. Ils appelleront ainsi les gens, ô toi le croyant, ô toi le mécréant. Car ils verront la marque sur leur nez, ou bien leur lumière. La bête sortira alors avec le bâton de Moussa et la bague de Sulayman. Quant au mécréant, elle le marquera avec son nez, sur son nez, avec cette bague. Quant au croyant, elle l'illuminera et elle éclaircira. Et telle est la lumière du croyant, ayo al-ikhwa. Nourun mubin. Une étoile illuminante telle la lune. Et le mécréant ne pourra alors plus cacher sa mécréance. Et l'hypocrite ne pourra plus alors cacher sa mécréance. Tout le monde sera montré et dévoilé. Et on saura alors et on pourra distinguer le croyant du mécréant. Et les gens reconnaîtront le croyant du mécréant grâce à leur marque. Al-Imam Muslim rapporte. Un hadith selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit trois choses. Si elles sortent, c'est-à-dire si elles apparaissent, la foi en Allah ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou bien qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Tulu'u shamsi min maghribiha wa ad-dajjal wa ad-dab. Le lever du soleil à son occident, ad-dajjal et la bête. Ainsi la bête sortira, puis arrivera l'avant-dernier signe de la fin du monde. Thalathat khusuf, khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jazirat al-arab. Trois engloutissements, trois tremblements de terre. Un en Orient, et un en Occident, et un dans la péninsule arabique. L'engloutissement à l'origine, ayyuha al-ikhwa, est lorsque la terre absorbe ce qui se trouve à sa surface. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit à propos du tyran et du transgresseur, Qarun la'anahu Allah. Il nous dit, فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Nous fîmes donc que la terre l'engloutisse lui ainsi que sa maison. C'est-à-dire que la terre l'a littéralement englouti. Tel est l'engloutissement al-khasf. Un engloutissement surviendra alors en Occident, ainsi qu'un en Orient, et ainsi qu'un de la péninsule arabique. Naam. La péninsule de l'Islam. La péninsule de Tawhid wal-Iman. Pourquoi? Quelle en est la raison? La raison, ayyuha al-ikhwa, de l'engloutissement et des tremblements de terre n'est autre que les péchés et les désobéissances à Allah Azza wa Jal. Et ainsi, ce ne sont pas comme justifient les gens les plaques en dessous de la terre qui bougent, ou bien ce que disent les athées renieurs, ou ce que disent les scientifiques qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier. Là, le sabab, la cause et l'origine des tremblements de terre et des séismes et des engloutissements n'est autre que les péchés et les désobéissances à Allah Azza wa Jal. Écoute, ayyuha al-akh, al-imam al-tilmidi nous rapporte un hadith authentifié par Sheikh al-Albani selon Umrad ibn Hussein, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, il y aura dans cette communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane, la communauté de l'islam, il y aura dans cette communauté, masrun, wa qadfun wa khasf. Il y aura pluie, engloutissement et transformation. Quand cela? Lorsque les chanteuses et la musique se répandront et lorsque l'alcool sera consommé. Lorsque les chanteuses sortiront, et elles sont sorties. Lorsque la musique sera jouée, et elle a été jouée. Et lorsque l'alcool sera consommé, il a été consommé, et de même en public et non en privé. Dans cette communauté viendra une pluie, et il a été dit une pluie de pierres et de météorites. Et il a été dit cela correspond à la grêle venant du ciel. Également une transformation des créatures. Et les savants ont dit à propos de cette transformation qu'elle peut être au sens propre ou au sens figuré. Ainsi, certaines créatures verront leur visage se transformer en singe et en porc, bi'idnillah azza wa jal, ou bien leur cœur et leur comportement se transformeront semblables au comportement des singes et des porcs. Et certes, nous le voyons de nos jours, ma'al asaf, des hommes qui, wallah, ne sont pas des hommes. Leur corps est celui d'un homme, mais leur cœur et leur nature est celui des animaux et des bestiaux, wal'ayadu billah. L'homme voit ses filles, et voit ses sœurs, et voit ses femmes sortir nues, et dénudées, et dévêtues, et parfumées, et les gens la voient, et les hommes sentent son odeur, et il ne dit rien. Khasfun wa qadfun, masrun wa qadfun wa khasfun. Une pluie, une transformation et des engloutissements. Lorsque les chanteuses apparaîtront, ainsi que la musique qui sera jouée et l'alcool sera consommé. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, et authentifié par Sheikh al-Albani selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, des gens de ma communauté boiront certes l'alcool et lui donneront un autre nom. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit, Allah en engloutira certains et en transformera d'autres. L'engloutissement et la transformation. Les gens de ma communauté boiront certes l'alcool et lui donneront un autre nom. On chantera auprès de leur tête avec les chanteuses. Allah en engloutira certains et en transformera d'autres en singes en pas. Et ceci est un hadith authentique, ayyuhal ikhwa. Nous ne citons pas de hadith faible, alhamdulillah, azza wa jal. Ce sont des informations de la part d'Al-Habib al-Mustafa. Sayyidul khalq, alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, telles sont les causes de l'engloutissement, ayyuhal ikhwa. Péché, turpitude, désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, transgression, mauvais comportement, tourner le dos à la religion d'Allah jalla wa ala, et certes nous sommes dans cette époque, ayyuhal ikhwa. Et telles sont les causes de ces trois engloutissements qui arriveront vers la fin du monde, khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bil jazirat al arab. Et les savants ont certes dit, comme Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, qu'il est certes probable que ces trois engloutissements soient plus importants en intensité que les séismes adi, que les séismes normaux. Voilà, ayyuhal ikhwatul kiram, ce qui est à propos des signes pour aujourd'hui. Ad-dukhan, wa tulu'u shams min maghribiha, wa ad-dabba, wa thalathat khusuf. La fumée et le lever du soleil à l'occident, et la bête. Et les trois engloutissements, khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bil jazilatil arab. Il nous reste ainsi à parler à la fin des autres signes, le reste des autres signes de la fin du monde. Et la fin du monde elle-même. Ceci, ayyuhal ikhwa, lors de notre prochain discours, bi'idhnillahi azza wa jal, fa as'alullaha jalla wa ala, an yarzuqana al-ikhlasa wa sawaba fil qawli wal amal, wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl, فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أسأل الله جل وعلا أن يصلي ويبارك على الحبيب المصطفى وعلى النبي المنتقى صلى الله عليه وسلم Je demande à Allah جل وعلا qu'il évoque en bien auprès de lui le noble messager صلى الله عليه وسلم dans ses grandes assemblées et qu'il le préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il lui accorde sa bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, sa famille Ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul. Et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de votre humble serviteur, moi, et ou bien de Shaitan. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, que les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, walhamdulillahi rabbil alamin.